Chapitre 4. Le guet-apens. Les vagues déferlaient avec une furie grandissante. Le sous-bois mugissait. Le crépuscule enveloppait l'espace. En vrai Zounek, gagné de la toile depuis son enfance, Flock manœuvrait froidement, sûr de lui, et sa barque ne disparaissait par moments au fond des gouffres entr'ouverts par les lames que pour mieux se redresser sur les crêtes de celle-ci. Tandis qu'intrépidement, il courait débordé dans la direction de l'anse des trépassés, cherchant le Norvégien pour le piloter, pour l'arrêter sur le bord de l'abîme, pour l'arracher aux naufrageurs de Plogoff qui l'attendaient. La population de l'île de Sein, mise en alarme par Aliette, accourait sur la digue, disposait des barques de sauvetage, interrogeait l'espace. Des feux follets accompagnés de sifflements dansaient fantastiquement par les landes. Chacun se signait, en les regardant, et les vieillards, prêtant l'oreille au grondement sinistre de l'ouragan, murmuraient en pâlissant. « Écoutez le cri aérien, Sainte Vierge, ayez pitié de ceux qui sont en mer à cette heure, ayez pitié de nous !» La tempête prenait des proportions effrayantes. On se fût cru en décembre ou en janvier, au moment où les vents d'hiver vont briser jusque dans les ports, les navires et les lougres de pêche. Le ciel s'assombrissait. L'obscurité devenait complète du côté du Raz et d'Audierne. La mer roulait des montagnes d'eau qu'elle précipitait les unes contre les autres et d'où jaillissaient des gerbes formidables comme des trombes et des avalanches d'écume. De l'extrémité sud-est de la digue, le spectacle était sublime d'horreur. Par instant, une saute de vent, chassant les vagues d'un côté ou de l'autre et creusant une sorte de vallée dans leur chaîne mouvante et mugissante, permettait d'apercevoir, dans le lointain, quelques-uns des feux les plus vifs des côtes. À gauche, les feux de la pointe Saint-Mathieu et de la pointe du Toulinguet, qui éclairent l'entrée du boulet de Brest. À droite, aux trois quarts voilés par les ombres épaisses de la nuit et les vapeurs de l'océan, le feu de Penmarche, qui à cette époque était placé dans le clocher de l'église du village de Saint-Pierre. Quant au bec du Raz, il se confondait avec les nuages noirs. Aucun phare n'indiquait sa place. Par compensation sur les falaises, dans la direction de Plogoff, brillait une lumière intermittente. C'était Péric, le naufrageur. Péric, le camarade de Flock, qui ayant attaché un fanal à la tête de sa bâche, promenait l'animal sur la côte, au-dessus des endroits les plus dangereux, pour attirer le trois-mâts, le désorienter et lui faire perdre sa route. Une part d'épave devait être réservée pour cela à Péric. Les Sénois, habitués à cette ruse atroce, se montrèrent du doigt la lumière meurtrière. « Ils attirent la proie !» murmuraient quelques cris avec indignation. « Les lâches !» dirent quelques autres. « Mon Dieu !» sanglota Aliette en joignant ses mains. Les gens de Plogoff, cachés dans les rochers de la côte, attendaient, armés de pics, de crocs, de haches. Ils étaient là aux aguets, comme des tigres, une cinquantaine, parmi lesquels 20 femmes, 20 mégères, portant des cordes et serrant fiévreusement sous leur tablier le manche d'une serpe ou d'un long couteau. Un seul naufrageur manquait à l'appel, c'était Flock, le préparateur de la curée. Son absence, nous devons le constater, ne préoccupait nullement la bande infernale. Une heure se passa, puis deux, puis trois, sans que rien vînt annoncer la présence d'aucun navire dans le Raz. Et déjà les Sénois commençaient à rendre grâce à Dieu, les naufrageurs à le maudire, lorsque le tintement d'une cloche d'alarme et des cris désespérés, à demi étouffés par le mugissement de la tempête, parvint aux oreilles des uns et des autres. « Le voilà !» s'écrièrent unanimement et avec une férocité sauvage les gens de Plogoff. « Sainte Vierge !» dirent en se signant les Sénois. Les éclats sinistres de la colère de l'océan dominèrent les vociférations des uns et les prières des autres. Au bout d'une demi-heure, nouveau tintement de cloche, nouveau cri, suivi d'un coup de canon, d'un de ces petits canons de signaux que portent les navires marchands. « À la mer !» fit avec élan un Sénois, entraînant deux de ses camarades et allant détacher une barque de sauvetage, tandis que d'autres pêcheurs, cherchant à percer l'obscurité, à découvrir le bâtiment qui demandait du secours, se disposaient également à se jeter dans leur bateau avec des câbles. « Oh, Flock !» murmura Aliette, une main posée sur son cœur pour en comprimer les battements précipités. « Il approche !» firent d'une voix étranglée par la joie les naufrageurs dans les creux de leurs rochers inondés par les lames. Effectivement, le navire en détresse se rapprochait du Raz plus que de la chaussée de Sein. Le fanal de Péric l'attirait. Toutefois, au son de sa cloche de bord qui tintait avec fracas, au coup de canon qu'il tirait par intervalles rapprochés, quoique ni de l'île, ni de la côte, on ne put l'apercevoir, tant à cause de la hauteur des lames qu'en raison de l'épaisseur de la nuit, il était facile de deviner qu'il était désemparé et ne gouvernait plus. Les Sénois faisaient de suprêmes efforts pour parvenir jusqu'à lui, mais la mer était si grosse qu'elle rejetait impitoyablement leur barque contre la digue. Une vague brisa même à moitié l'une d'elles et faillit enlever les deux hommes qui la montaient. Bientôt, le canon cessa de se faire entendre et le son de la cloche d'alarme n'arriva plus que faible et rare aux oreilles des Sénois, en prière sur leur digue. Le vent emportait le navire loin de l'île pour le jeter contre le bec du rat vers l'anse des trépassés. Rien de terrible comme ce coin de l'océan à ce moment. À travers la nuit, et aussi loin que le regard put porter, on ne voyait des falaises de Plogoff qu'un gouffre dont les vapeurs se confondaient avec le ciel et où tourbillonnaient, bondissaient, roulaient, se brisaient des montagnes d'eau et d'écume en rendant un bruit épouvantable. Le sol tremblait. On eût dit que la mer, qui fouillait les contreforts de granit de la côte et se tordait à leur base dans d'infernales convulsions, allait couvrir pour jamais la grande terre. Tout à coup, près de l'endroit où les naufrageurs étaient embusqués, des cris déchirants percèrent le tonnerre de la tempête. « À l'aide ! Grand Dieu ! Secourez-nous !» Puis un craquement retentit. Les ondes roulèrent des débris de mâtures, des planches, des tonneaux auxquels s'accrochaient des matelots que les naufrageurs massacraient à coups de pique lorsqu'une lame les poussait contre les rochers et tout se tut. Et l'on n'entendit plus que le mugissement sinistre des vagues qui continuaient à déferler dans le rat. Quelques heures après, au moment où apparaissaient les premières clartés vaporeuses de l'aube, on put voir des falaises de Plogoff, une tourbe d'hommes et de femmes se disputant. À l'entrée de l'anse des trépassés, des épaves de navires et repoussant dans la mer avec leurs crocs des cadavres que l'ouragan, qui allait s'affaiblissant, lançait sur les rochers ou sur le sable. C'étaient les naufrageurs, occupés à recueillir les débris du bâtiment qui s'était perdu corps et biens à 100 brasses d'eux pendant la nuit qui venait de s'écouler.